Section 100 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. La lecture, tome 6e. Section 100. La princesse Lilith, par Jules Lemaître. Chapitre 8. Lilith trouva Zébouda en prière avec son mari Métuel, et tous deux paraissaient remplis d'une grande joie. Alors Lilith s'avisa d'une ruse. « Osaël va bien, dit-elle, et je vous le rendrai demain. Mais puisque vous savez où est le Messie, conduisez-moi vers lui. Je suis venue pour l'adorer. » Métuel était un homme simple et peu enclin à croire le mal. Il répondit « Je vous conduirai, princesse Lilith. » Fin de la section 100.